إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence maintenant la partie numéro 10 dans l'explication de Sharh Masail al-Jahiliyyah. Et on a terminé le point numéro 10, on fait maintenant le point numéro 11 et 12. Le Cheikh, il les a réunis ensemble, le point 11 et 12 de, parmi les Masail de al-Jahiliyyah. Et le titre de cette Mas'ala, ou de ces deux Mas'ala, c'est اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. Ça veut dire que parmi les questions ou les points qui ont rapport avec les aspects de la jahiliya et des gens de la jahiliya, c'est qu'ils se basent sur des analogies qui sont fausses et ils rejettent les bonnes analogies, les analogies qui sont correctes. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'analogie et tout ça. Donc le cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وإنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit qu'il se base sur un qiyas, l'analogie qui est fausse. Comme par exemple lorsqu'ils disent au prophète, vous n'êtes que des hommes comme nous, hein, vous n'êtes que des hommes comme nous, en voulant dire il n'y a rien de différent entre vous et nous, vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains, c'est ce qu'ils disaient au prophète, et ils rejettent le qiyas qui est correct. Et on va voir l'explication de ça, c'est-à-dire des fois on va voir que dans certains versets, les mouchriquins, ils disent, vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Il n'y a pas de différence entre vous et nous. Donc, pourquoi on devrait vous obéir? Pourquoi on devrait vous suivre? Et vous voyez que dans d'autres versets, les prophètes eux-mêmes disent aux mouchriquins, aux kuffars, je ne suis qu'un être humain comme vous. Hein? J'appelle à Allah, je vous invite à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique. Donc, en voulant dire, et aller, je suis un être humain comme vous, sauf que j'ai reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à cause de cette révélation-là, vous devez me suivre et m'obéir. Bon, le problème dans leur question, dans la question de qiyas, le problème qui existe à propos de cette mas'ala de jahiliya, c'est qu'ils ne font pas de distinction entre le qiyas ou la compréhension de qu'est-ce qui réunit et qu'est-ce qui fait qu'un qiyas est valable et qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas valable. Le qiyas, comme on dit, ma al-fariq, et le qiyas ma al-jami'. Donc on va expliquer ces termes-là. Le cheikh al-Fawzan a expliqué, il dit, al-mas'alatu al-hadiyata ashara wa al-thaniyata ashara. I'atimaduhum ala al-qiyas al-fasid wa inkaruhum al-qiyas al-sahih. Al-qiyas عند الأصوليين نوعان, قياس علة وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد ولا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام. وهذه مسألة خطيرة. يقول ابن القيم أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد, وأول من مارس القياس الفاسد إبليس. لما أمره الله بالسجود لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يزعم أن النار خير من الطين فيكون هو خيرا من آدم وهذا قياس فاسد لأن النار ليست خيرا من الطين بل الطين خير من النار لأن النار محرقة متلفة للأشياء أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار مع أن الاعتماد ليس على القياس بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا اعتراض عليه له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى Donc le cheikh explique, il explique que les mouchriquins ils se basent sur des analogies qui sont fausses et ils rejettent les analogies qui sont correctes. Le qiyas il est défini par les ulama de usul, les ulama de usul al-fiqh, c'est eux surtout qui se concentrent sur ce sujet-là et qu'ils définissent qu'est-ce que ça signifie. Donc les ulama de usul, ils définissent le qiyas de différentes façons. Premièrement, il faut savoir qu'il y a différentes catégories de qiyas. Le cheikh, il en mentionne deux ou trois dans cet exemple-là. Il dit que la première forme de qiyas, c'est la qiyas illa. Qiyas illa, le mot illa, ça veut dire quoi? Ça veut dire un lien ou une relation ou un rapport, hein, ou bien une cause ou une raison. Ça, c'est des significations du mot illa. D'accord? Et le mot qiyas lui-même, c'est une analogie. Donc, quand tu fais, il y a des différentes formes d'analogie, hein, l'analogie par rapport à un lien, ou une raison, ou une sagesse, ou un rapport entre deux choses. Donc, si tu arrives à trouver le rapport qui existe entre deux choses, tu peux établir des règles qui vont s'appliquer à ces deux choses-là. Parce que tu as trouvé le point qu'il y a en commun entre les deux. D'accord? Si deux choses n'ont pas aucun lien en commun, tu ne peux pas établir une règle qui peut s'appliquer aux deux choses en même temps, parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais si tu arrives à trouver le lien ou la chose qui est en relation entre ces deux choses-là, le verdict ou le jugement ou la chose que tu vas appliquer sur une de ces deux choses-là, tu peux l'appliquer à l'autre aussi, parce qu'il y a quelque chose qui les réunit, qui les rassemble, il y a quelque chose en commun entre les deux. Ça, c'est une forme de qiyas. On appelle ça qiyas ou illa. Qiyas ou illa, c'est-à-dire un qiyas ou une analogie qui est basée sur le fait qu'il y a quelque chose qui relie deux choses. Hein, et il y a un lien entre ces deux choses-là. Donc, la définition des ulama de usul, quand ils parlent de qiyas ou illa, ils disent que c'est « الحق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما ». Bon, comment on va traduire ça? C'est que on va dire qu'on a dit que c'est deux choses qui ont quelque chose en commun. Ces deux choses-là, il y en a une parmi ces deux choses-là sur lequel, ou au sujet de laquelle, il y a un texte du Coran et de la Sunna à son sujet, qui est clair. D'accord? Donc celle-là, on sait que c'est halal ou haram. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith ou il y a un verset dans le Coran qui dit cette chose-là, elle est halal ou elle est haram. Donc, à ce sujet-là, on est au sujet de, disons, on va dire X, donc l'objet ou la chose X, on a un verdict clair à son sujet. Maintenant, il y a un autre objet qui est Y. Okay? Celle-là, il n'y a pas de texte à son sujet. Il n'y a pas de hadith, il n'y a pas d'ayah à son sujet. Donc, on ignore le verdict. On ne sait pas est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. On essaie de trouver est-ce qu'il y a deux choses en commun entre les deux. D'accord? Et si on arrive à trouver un lien ou un rapport ou une relation ou quelque chose en commun entre les deux, on est capable de dire que si X il est haram, à cause de cette relation-là ou de cette cause-là, alors on peut dire que ça s'applique aussi à Y. Et que Y aussi il est haram, même s'il n'y a pas de texte explicite qui l'interdise. Pourquoi? Parce que il y a la même chose qui se retrouve dans X, elle se retrouve aussi dans Y. Donc on peut faire un lien entre les deux parce qu'elles ont cette chose-là en commun. Ça c'est ce qu'on appelle qiyas illa. Et c'est dans ce cas-là, on va dire que Al-Asl, quand les ulama ils disent la définition, ils disent c'est de ramener un Asl à un Fara. C'est comme si tu ramènes un Asl. Asl, c'est la chose au sujet de laquelle il y a un texte explicite à son sujet. Puis Al-Fara, c'est la branche. Hein, qu'est-ce qui découle de la base. Et c'est la chose au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de texte explicite. Donc tu la ramènes. Tu ramènes cette base, cette branche à la base, tu la rattaches ensemble, à cause d'une chose qui existe entre les deux, qui les relie, ou qui a une chose qui a en commun entre les deux, qui fait que on peut appliquer le verdict de l'un sur l'autre. C'est ça faire une analogie, c'est ça faire un qiyas. Toutefois, pour que ce qiyas soit valable, il faut que le lien que tu as trouvé entre les deux respecte certaines conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, on va dire que ton qiyas n'est pas valable. On va dire que ton qiyas n'est pas valable parce que ces deux choses-là ne sont pas pareilles réellement. Ou le lien qui est entre les deux, il n'est pas un lien qui est une analogie, elle n'est pas correcte. D'accord? Donc, on va donner des exemples dans, qu'est-ce que le cheikh il dit ici. Il mentionne un exemple. Il dit, que, en fait, il dit, avant de rentrer dans l'exemple, il dit que si les conditions sont pas respectées, donc on peut pas se baser sur le verdict. Je pense que c'est pas ici. Parce que des fois, il y a des gens qui sonnent, puis c'est à côté. Ouais. D'accord. Donc, non. Donc, si les conditions sont pas respectées, le qiyas va être faux, il va être incorrect. Et on peut pas se baser sur un qiyas si les conditions sont pas respectées pour établir un verdict parmi les verdicts. Et ça, c'est une question très dangereuse parce qu'il y a des gens qui vont se baser sur des mauvais qiyas pour rendre des choses halal ou des choses haram. Ils font souvent des fois ils font des qiyas qui sont totalement faux. Et comme par exemple, je vous donne un exemple. C'est peut-être un peu compliqué. Ou un peu plus détaillé comme qiyas, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit maintenant, qui donne quand même qui aide à comprendre un peu la question. C'est que déjà par exemple les ulama quand ils interdisent par exemple la mixité entre les hommes et les femmes, ils se basent sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la mixité dans la mosquée, du fait que les hommes et les femmes prient séparément, les femmes prient à l'arrière, les hommes prient à l'avant. Et que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait une porte spéciale pour les femmes et une porte spéciale pour les hommes. Même dans ce plan-là, il y avait une séparation entre les deux. Donc les ulama, ils ont fait un qiyas, ils ont dit, si c'est interdit pour les hommes et les femmes d'être mélangés dans la mosquée, et on sait que la mosquée, c'est l'endroit le meilleur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, biqa' ila Allah al-masajid. Le meilleur endroit pour Allah, c'est les mosquées. Donc ils ont dit, si dans le meilleur endroit dans lequel on peut se réunir, on nous a interdit d'être mélangés entre nous, entre les hommes et les femmes, donc tout autre endroit, c'est encore plus obligatoire de ne pas se mélanger dedans. Donc ça c'est la base, ça c'est un exemple de qiyas. Donc si quelqu'un te demande, est-ce qu'on a le droit de se mélanger dans, par exemple, les écoles ou les universités, dans les classes, des trucs de ce genre, et bien là, on va lui dire, ben écoute, dans la mosquée, c'est interdit de se mélanger. Donc si dans la mosquée, l'endroit où on se rappelle d'Allah, où on adore Allah, où on lit le Coran, où on fait plein d'ibadat, on n'a pas le droit de se mélanger, donc évidemment, dans les endroits où on se rappelle moins d'Allah, et où on fait pas des ibadat, où on fait toutes sortes de choses de la dunya, c'est encore plus obligatoire de ne pas se mélanger dedans. Hein? Donc ça c'est un qiyas. Il y en a des gens qui font un autre, il y en a des gens, surtout parmi les ikhwan par exemple, qui vont faire un qiyas complètement à l'envers. Hein? Eux, ils disent, ouais mais si on a le droit de, parce qu'ils se basent sur qu'est-ce qui est haram en partant, pour essayer de justifier d'autres harams. Comme par exemple, il dit, ouais, mais à l'école, on est mélangé, les hommes et les femmes. Donc, si on a le droit si on se mélange entre hommes et femmes dans les écoles et dans les classes, donc pourquoi pas se mélanger dans les activités islamiques? Pourquoi pas se mélanger quand on fait des sorties? Hein, si on se mélange dans les autobus, dans les transports en commun, pourquoi pas se mélanger quand on fait des activités religieuses, des choses de ce genre. Donc, avant de se baser sur la mixité qui se produit dans les écoles et dans les transports en commun, il faut commencer par prouver ou établir que le fait de se mélanger dans les écoles et dans les classes et dans les transports en commun est halal. Et ça, ils ne peuvent pas le prouver parce que les textes sont en contradiction avec ça. Donc, ils se basent sur un haram pour établir quelque chose, pour dire que c'est halal, alors qu'à la base, il est haram. Donc, ça, c'est un exemple de qiyas qui est facide, un exemple de qiyas ou d'analogie qui est faux, tu vois. Puisque à la base, si tu veux prouver que quelque chose est halal, il faut que ta base soit halal, et que la chose à la base soit halal. Si tu te bases sur quelque chose pour prouver que quelque chose est halal, alors qu'à la base, il est haram, il y a une erreur dans ton qiyas. Hein? Donc il y a plein d'exemples de qiyas comme ça qui sont faux, que les gens de Bid'ah et que les gens d'égarement pratiquent. Donc là je voulais juste vous donner un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, regardez les livres de Usul al-Fiqh, hein? Ils vont vous donner des détails et des explications plus approfondies là-dessus. Et il y a un livre quand même assez simple qui a été écrit par le Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen qui s'appelle Al-Usul min ilm al-Usul. Et dans ce livre-là, il donne des exemples de qiyas qui ne sont pas corrects. Okay? Il donne des bons exemples de qiyas et il donne des exemples de qiyas qui sont incorrects aussi pour faire comprendre la différence entre les deux. Et ici, le chef, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que la plupart de l'égarement des hommes est commencé à cause des faux qiyas, des mauvaises analogies que les gens font. Et les plus pires mauvaises analogies que les gens peuvent faire, c'est les fausses analogies qu'ils font dans les questions qui ont rapport avec la aqida et la croyance. Donc, par exemple, les gens qui sont tombés dans le shirk, souvent ils sont tombés dans le shirk parce qu'ils ont fait des fausses analogies par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, comme exemple, ben nous si on veut aller voir un président ou un roi, on ne peut pas y aller direct, il faut passer par des intermédiaires. Donc, ils ont fait le qiyas entre ça et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit donc, si c'est le cas avec les êtres humains, donc, dans ce cas-là, c'est encore plus important de prendre des intermédiaires pour se rapprocher de notre Créateur, pour se rapprocher d'Allah. Et ça, c'est un qiyas qui est batil, un qiyas qui est faux, parce que il est basé sur, à la base, l'idée que on peut comparer entre Allah et la créature. Il n'y a pas de comparaison entre le créateur et la créature, puisqu'il y a plein de différences entre Allah et la créature. Déjà, Allah il connaît toutes ses créatures, il nous connaît mieux nous-mêmes qu'on se connaît nous-mêmes. Tandis que le roi, le président, il ne te connaît pas. Tu veux aller le voir, il ne sait même pas qui tu es. Il ne va pas te laisser rentrer comme ça directement. Donc tu passes par d'autres, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il te connaît directement, il n'a pas besoin de quelqu'un pour te présenter ou pour dire qui tu es, il te connaît directement, c'est lui qui t'a créé. Donc ça c'est des exemples de différences qui existent entre le créateur et la créature, et il y en a beaucoup d'autres différences comme ça. Hein? Et en réalité même il y a les plus grandes différences qui existent, c'est les différences qui existent entre le créateur et la créature. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Donc, le cheikh Ibn al-Qayyim, il dit, les plus grandes formes d'égarement qui sont apparues chez les hommes, il est apparu à cause des fausses analogies. L'exemple des chrétiens, par exemple, qui disent que Dieu a un fils. Ça, c'est des fausses analogies. L'exemple de toutes les formes d'égarement, de fausseté dans la croyance, ça part des fausses analogies. Donc le cheikh dit « أول من مارس القياس الفاسد إبليس » Il dit le premier qui a commis une fausse analogie, c'est Iblis, le shaytan, ta'anahu Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner à Adam, il a dit « Je suis meilleur que lui » Il a dit « Je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. » Donc, son raisonnement, son qiyas, c'était de dire, le feu il est meilleur que la terre, donc puisque le feu est meilleur que la terre, et que moi je suis créé de feu, et que Adam est créé de terre, donc moi je suis meilleur que Adam. Et le cheikh il dit, il pense que le feu est meilleur que la terre. Hein? Donc il pense qu'il est meilleur que Adam à cause de ça. Et ça c'est une analogie qui est fausse en partant. Parce que le feu n'est pas meilleur que la terre. C'est quoi la preuve que le feu est meilleur que la terre? Hein? C'est quoi la preuve que le feu est meilleur que la terre? Déjà la terre peut éteindre le feu. Déjà, ça c'est un argument, un exemple. Hein? Mais le cheikh il donne d'autres exemples. Il dit déjà, le feu n'est pas meilleur que la terre, déjà parce que, il dit c'est bien le contraire, la terre est meilleure que le feu. Pourquoi? Parce que le feu il brûle et il détruit tout. Hein? Il brûle tout et détruit tout. Tandis que la terre, on fait pousser des choses dedans. Et on plante les graines qui font pousser des arbres qui font hein, plein de bonnes choses par la suite. Donc c'est quelque chose de bien pour les hommes. Si on voulait faire un qiyas, se baser juste sur des questions d'analogie, on pourrait déduire que l'analogie de Iblis est fausse. Quelqu'un aurait pu s'objecter à Iblis à ce moment-là pour lui dire « Mais sur quoi tu te bases pour dire que tu es meilleur que le feu, que le feu est meilleur que la terre ? Sur quoi tu te bases pour dire que tu es meilleur que Adam ? Parce que tu es fait de feu et lui il est fait de terre. Qu'est-ce qui te prouve que le feu est meilleur que la terre ? C'est quoi ta preuve ? C'est quoi l'argument ?» Hein? On aurait pu lui répondre que c'est faux, que c'est le contraire. Hein? Et le chef il dit ensuite, mais l'important à comprendre dans la question de Iblis quand il s'est objecté il a refusé de se prosterner à Adam, c'était pas un ordre basé sur une analogie. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam, c'était pas par rapport au fait que le feu était meilleur ou inférieur à la terre. C'était pas basé là-dessus. C'était basé sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que Adam, les anges et que les gens qui étaient là se prosternent à Adam. Donc, étant donné que Allah l'a ordonné, peu importe que ce soit meilleur ou moins meilleur ou inférieur ou supérieur, il doit obéir à l'ordre d'Allah, sans discuter, sans s'objecter à l'ordre. C'est pas commencer à dire, bon, écoute, moi je suis meilleur, lui il est moins bon que moi, pourquoi moi je vais me prosterner? Ça prouve qu'il y a de l'orgueil dans le cœur de Iblis. Et donc, c'est pour ça que le cheikh il dit ici, La base sur laquelle se basait cet ordre, c'était pas l'analogie. Hein, c'était basé sur la décision et le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui décide qui est meilleur que qui. C'est Allah qui décide qui est meilleur que qui. Si Allah il veut que Adam soit meilleur ou que l'être humain soit meilleur que l'Iblis, eh bien il va être meilleur. C'est pas basé sur il y a des questions d'analogie, des choses de ce genre. Et Allah, il fait ce qu'il veut et il décide ce qu'il veut et personne n'a le droit de s'objecter à lui et c'est lui qui a la sagesse absolue. C'est-à-dire c'est lui qui a la plus grande sagesse. Et quand il décide quelque chose et quand il fait quelque chose, c'est toujours pour la meilleure raison. Après, il dit, وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ قَاسُوا هَذَا الْقِيَاسَ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ قَالُوا إن أنتم إلا بشر مثلنا استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم وصلاحهم للرسالة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا لما قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده Donc, le cheikh explique, il dit, de même que les mouchriquoun, ils ont fait ce genre de faux qiyas lorsqu'ils ont démenti ou traité les messagers de menteurs, comme dans le verset 10 dans surat Ibrahim, quand les koufars ont dit, vous n'êtes que des êtres humains, hein, comme nous, ou bien, c'est ça, vous n'êtes que des êtres humains comme nous, il n'y a pas, vous n'avez pas de privilège sur nous, vous n'êtes pas meilleurs que nous, pourquoi on devrait vous croire, pourquoi on devrait vous suivre. Il se base sur le fait que les messagers sont des êtres humains pour ne pas croire en la véracité de leur message. Vous êtes des êtres humains, donc ce que vous dites, ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que, allez, vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains. Et le fait que quelqu'un est un être humain, c'est pas une preuve que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc, le cheikh, il dit, cette analogie-là qu'ils ont fait, hein, et bien c'est une analogie qui est fausse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un privilège et il a préféré les messagers au-dessus des autres parmi les hommes. Hein? Donc eux, ils s'imaginent qu'un être humain ne peut pas être un messager. Un être humain ne peut pas recevoir une révélation ou un livre de Dieu, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une révélation. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, ils disent les koufars, moi j'ai pas reçu de révélation. Donc si moi j'ai pas reçu de révélation, ça veut dire que les autres hommes, ils ne peuvent pas en recevoir eux non plus. Et ça, ça, il n'y a aucune chose qui prouve ça. Hein? Il n'y a rien qui prouve que parce que toi t'as pas reçu de révélation, un autre ne peut pas le recevoir. Hein? Et donc c'est comme ça même aujourd'hui, les koufars par exemple, quand vous voyez par exemple les philosophes et les autres koufars qui nient par exemple les prophètes et les messagers, ils disent tous les hommes sont égaux, et c'est pour ça qu'ils rejettent les religions. Ils rejettent les religions parce qu'ils se disent, il n'y a pas un être humain qui sait plus qu'un autre, ou qui a la capacité de savoir plus qu'un autre. Qu'est-ce qui dépasse les cinq sens, hein? Eux, ils disent, on est tous limités par nos cinq sens. Hein, la vue, l'ouïe, le toucher, hein, et après l'odorat, et après l'autre, c'est quoi? L'ouïe, le toucher, le goût, exactement. Donc ça, c'est les cinq sens. Et en dehors de ça, on ne peut pas savoir rien. Hein? Et nous, on dit non, c'est pas vrai. Il y a une autre. Il y a une autre source de connaissance. C'est la prophétie. Et avec la prophétie, quand quelqu'un reçoit un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il arrive à connaître des choses qui dépassent qu'est-ce que tu peux apprendre par tes cinq sens. Tu peux apprendre à propos du rêve par ce moyen-là. Et eux, ils rejettent ça. Ils disent non, c'est pas possible, c'est pas, ça se peut pas. Hein? Donc, pourquoi? C'est quoi votre preuve que ça se peut pas? Parce que on a tous cinq sens puis on est tous limités. Mais ça, c'est pas un argument. C'est pas une preuve. Hein? Donc, le chef, il dit, que ça c'est une fausse analogie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les hommes, certains parmi eux, pour être des messagers, et il les a choisis pour transmettre son message aux autres. Donc, ok. وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ لِلرِّسَالَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux que quiconque l'état de ces hommes-là, et leur aptitude à recevoir le message. Donc, il mentionne le verset 75 et 76 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah, il choisit parmi les anges des messagers, de même que parmi les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient et voyant. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Hein? Donc ça c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il choisit lui-même qui sont les messagers. Parmi les anges, c'est-à-dire ceux qui vont amener le message aux êtres humains, et parmi les hommes qui vont recevoir son message et qui vont le transmettre. Hein? Donc quand je disais par exemple tout à l'heure que les philosophes, eux, ils nient la prophétie, ils nient les messagers, eh bien, ça, on le remarque justement dans leur système, le système par exemple des lois qu'ils font, des démocraties et tout ça, et de la laïcité. Ils disent, nous, on va se baser uniquement sur notre raison et sur nos sens. Tout ce qui est en dehors de ça, on l'accepte pas. Donc, eux, ils vont faire leur loi par eux-mêmes. Ils disent, nous, on va décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ils légifèrent leur loi selon les votes et la majorité. Hein? Si la majorité décide que quelque chose est bon, ils vont voter et puis ça va devenir halal. S'ils décident que quelque chose est mauvais, la majorité vont se mettre ensemble, ils vont voter. Si ça passe, ça va devenir haram. Donc c'est eux qui décident qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, selon les votes et selon la majorité. Si tu leur dis, écoutez, votre créateur, le maître des cieux et de la terre, le maître de toutes choses, il nous a interdit cette chose-là que vous avez voté comme étant bonne. Eh bien, eux, ils vont dire, nous, on ne croit pas en ça. On croit juste en qu'est-ce qui est dans la limite de nos sens et qu'est-ce qui est compris selon notre raison. Qu'est-ce qui est en dehors de ça, nous, on ne l'accepte pas, même si ça vient de Dieu. Même si vous dites que ça vient d'un prophète. Et c'est là la ligne où se trace la différence entre les croyants et les non-croyants. Ceux qui croient qu'il y a une révélation divine et que Dieu transmet à certains êtres humains des messages ou des révélations pour guider l'humanité, et qui croient en une sagesse divine, et ceux qui rejettent tout ça et qui disent « on est des êtres humains, on existe sur la terre, on est créé par hasard, on est le résultat de plein de mutations, soi-disant, entre les gènes, et que, allez, on ne sait pas où on s'en va, mais on s'en va quelque part, mais on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi on existe. » Hein? Ça, c'est l'exemple de ces gens-là. Hein? On est des singes évolués, et on avance dans notre existence comme ça. Bon, aujourd'hui on vit comme ça, demain on va vivre autrement, on ne sait pas comment. Puis, ils vont comme ça à l'aveuglette. Hein? Donc, le Cheikh dit, « وَلِهَذَا لَمَّا قَالُوا لِرُسُولِهِمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَارٌ مِثْلُنَا » Donc, c'est pour ça que lorsque les messagers sont venus aux hommes, ils ont répondu à leurs messagers, vous n'êtes que des hommes comme nous, et vous voulez nous empêcher d'adorer ce que nos pères ou ce que nos ancêtres adoraient. Alors ramenez-nous une preuve évidente. Les messagers leur ont répondu, nous ne sommes que des êtres humains comme vous, c'est vrai, hein? C'est vrai, nous ne sommes que des êtres humains comme vous. On n'est pas des anges, on prétend pas être des dieux ou autre chose de ce genre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, il favorise, il donne sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, à cause de ça, ils ont cette grâce de la révélation qu'Allah leur a faite, ils ont une connaissance que nous, on n'a pas. Et à cause de cette connaissance-là, eh bien, c'est pour ça qu'on doit les suivre et écouter ce qu'ils nous ordonnent de faire et prendre leur exemple. Ça, c'est rapporté dans le verset 10 et 11 de Surat Ibrahim. Le Cheikh dit « تقول الرسل الله فضلنا بأنه من علينا واختارنا للرسالة فقياسكم قياس مع الفارق لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء منهم المؤمن ومنهم الكافر منهم الرسل والعلماء والصالحون ومنهم الجهال والكفار والفساق فالبشر يتفاوتون فهناك فارق والقياس مع الفارق يكون باطلا لأن هذا من قواضح القياس عند الأصوليين الشيخ الزي les messagers ont répondu que Allah il nous a préféré parce que il nous a fait la grâce de nous choisir et de nous sélectionner parmi les hommes pour transmettre son message. Donc, votre analogie est une analogie qui est faite avec une distinction, une différence, c'est-à-dire votre analogie elle n'est pas valable parce qu'il y a une différence entre les deux choses que vous voulez comparer, entre les deux catégories d'êtres humains que vous essayez de mettre à égalité. Vous essayez de mettre à égalité les hommes qui n'ont pas reçu de révélation avec les messagers et les prophètes. Et ça, c'est une fausse analogie. C'est pas possible de faire ce genre d'analogie-là, parce que les hommes ne sont pas tous égaux. Hein? Les hommes ne sont pas tous égaux sur beaucoup de plans. Malgré qu'aujourd'hui, les gens disent que tous les hommes sont égaux, la réalité, même eux, ils le savent, c'est que les êtres humains ne sont pas tous égaux. Déjà, il y a une différence entre les êtres humains qui sont croyants et les êtres humains qui sont mécréants. Il y a une différence entre les prophètes, les messagers, et les savants, et les hommes pieux, et une différence entre les ignorants, les mécréants, et les pervers, les gens qui désobéissent à Allah. Donc les êtres humains, ils sont des degrés, ils sont différents les uns entre les autres, ils ne sont pas tous égaux. Hein. Et donc il y a une distinction entre les êtres humains, on ne peut pas les mettre à égalité. Et de les comparer, de les mettre à égalité alors qu'il y a cette différence-là entre les deux, c'est de faire une fausse analogie. Hein. Et cette analogie-là, les ulama, ils la rejettent. Hein. Les ulama d'Usul, ils considèrent que quand il y a une distinction entre deux choses, et qu'on essaie de les comparer, on va dire que cette analogie-là, elle est fausse, elle est rejetée. Ok? Et donc, comme le cheikh il le mentionne. Et ça nous montre aussi une autre erreur, ou un autre égarement qui existe dans le système des kuffars, du fait que quand ils demandent aux gens de voter, ils leur demandent de voter malgré leur connaissance, malgré leur piété, malgré leur foi, malgré leur croyance religieuse. Et tout ça, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que le vote ou le jugement ou le choix va être différent. Hein? Tu demandes à quelqu'un qui est ignorant de choisir entre deux choses. Et tu demandes à deux personnes qui sont savantes, hein? Une personne savante et une personne ignorante de voter ou de choisir. Eh bien, la personne qui est savante, elle juge entre les deux, puis elle choisit avec connaissance. Elle va choisir selon des critères et selon des règles, selon des connaissances qu'elle possède, ça va faire en sorte que son choix va être plus réfléchi, plus sage. Tandis que la personne qui est ignorante, qui n'a pas de connaissance de qu'est-ce qui a rapport avec les choses au sujet desquelles on demande de voter, elle va juger selon d'autres critères parfois qui sont pas vraiment reliés à la situation ou à la question qu'on demande de voter. Hein? C'est comme par exemple, si les koufars qui sont en train de faire un vote, par exemple, ils vont voter par rapport à une analyse très approfondie des questions et des sujets pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est de chaque question économique ou politique ou sociale ou religieuse et tout, ils vont voter avec d'une manière beaucoup plus méticuleuse, beaucoup plus spécifique. Tandis que les personnes ignorantes, ils vont regarder les personnes. Ils vont dire, ah lui, il a l'air correct, il a l'air gentil, hein, il a une bonne apparence, il a l'air cool, hein, il a l'air gentil, donc je vote pour lui. Lui, j'aime comment il parle. Et l'autre, il va dire, ah non, moi je ne l'aime pas, je vais voter pour l'autre, il a l'air plus correct, ou j'aime sa voix, ou j'aime son style. Pas sur des choses vraiment, hein, vraiment importantes. Donc ça, c'est quand tu veux mettre les hommes à égalité. De même qu'un homme qui est pervers ou qui est criminel, qui est dans la prison, il va voter, et l'autre qui est dehors, qui est un honnête citoyen, qui fait pas de mal à personne, il va voter. Donc, il est comme si les deux sont à égalité. Comme si le savant et l'ignorant, ils sont à égalité. Donc, alors, il n'y a plus de valeur du fait d'être connaissant, ou d'être savant, ou d'être pieux, ou d'être vertueux, ou des choses de ce genre. Pour eux, tout le monde que tu sois bon ou mauvais, c'est pas grave. Et ça, c'est, bien entendu, une analogie qui est fausse. Le cheikh, il dit ensuite, بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم من أجل أن يبين لهم. قال تعالى, قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة, والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر, ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة لأرسل إليهم من جنسهم ملكا. لشيخ التي لا سجس يعني الامبليك ك les messagers qui sont envoyés aux hommes soient des hommes comme eux, pour que ces hommes-là puissent clarifier pour eux les règles comme il faut. Il y a un lien entre les hommes, il y a des choses en commun entre les hommes. Quand les messagers envoyés aux hommes sont des êtres humains, eh bien, ils acceptent plus facilement des êtres humains et ils peuvent se sentir plus proches par rapport au fait que ce sont des êtres humains. Ils vont dire, ils nous comprennent, ils savent comment on vit et ce qu'on ressent, comment on vit, ces choses-là, ils le savent. Tandis que si c'était des messagers d'une autre origine, ou d'une autre espèce, comme des anges par exemple, ben ils auraient dit, ben les anges ils ne nous connaissent pas, ils ne comprennent pas, donc on peut pas vraiment les prendre comme exemple ou comme modèle puisque on est différent d'eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que les messagers qui sont envoyés aux hommes sont des hommes. Et il dit, وقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة, dit dans le verset 95 dans sourate al-Isra, dit au Mohammed, à ces gens-là, si ceux qui vivaient sur la terre c'étaient des anges qui marchaient en toute tranquillité, on aurait fait descendre pour eux des anges comme messagers. Donc c'est-à-dire, si les habitants de la terre c'étaient des anges, Allah aurait fait descendre, aurait fait venir pour eux des messagers anges, hein, pour qu'ils s'adressent à des gens comme eux. Donc, le messager, il est toujours de la même espèce ou de la même sorte que les gens vers qui il est envoyé, pour pouvoir transmettre le message comme il faut. Et ça, c'est quelque chose qui est impliqué par la sagesse elle-même, que les messagers qui sont envoyés aux hommes soient des êtres humains. ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض donc si c'était des anges qui vivaient sur la terre, Allah aurait envoyé vers eux des messagers de la même espèce. ومن عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر فلا يستبعدون أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار ومع هذا يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر وهذا القياس هذا القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر فقوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين كذلك غيرهم فقريش قالوا في حق محمد صلى الله عليه وسلم ألقي الذكر عليه من بيننا فهذه قاعدة مضطردة عند الكفار وهي القياس الفاسد. Le cheikh dit donc, parmi les choses étonnantes, c'est le fait comment ces gens-là ils ont renversé toutes les choses à l'envers. Hein. Ils considèrent que c'est quelque chose d'absurde ou d'impossible que le messager soit un être humain, ou que Allah transmette son message par un être humain, mais ils ne considèrent pas absurde, ou ils ne considèrent pas que c'est impossible qu'on adore une pierre. Hein. C'est bizarre. Ces gens-là, comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Ils disent, non, un messager ne peut pas être un être humain, mais on peut adorer une pierre. Hein. Ou bien, on peut prendre comme divinité, ou comme dieu, ou comme idole, ou comme objet d'adoration, une pierre, ou un arbre, ou une roche, ou n'importe quelle autre chose. Hein. Et donc, ça c'est vraiment étrange de la part de gens qui considèrent qu'un être humain ne peut pas être un messager. Et donc ça fait partie des gens, des exemples de faux qiyas qu'ils font, des fausses analogies. Et tous les têtes parmi les koufars, depuis le peuple de Noé jusqu'à ceux qui sont venus après, eh bien ils ont toujours rejeté le fait qu'un messager soit un être humain. Et allez, jusqu'à aujourd'hui c'est la même chose. Hein? Et allez, nous on n'a pas vécu ces affaires-là. On n'a pas vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre ces réalités-là. hein? Parce que si on vivait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là on aurait vu ces exemples-là. Imaginez qu'on vivait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien là, c'est un être humain qui vient, hein, et qui nous dit qu'il reçoit une parole de Dieu, une révélation divine. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit que tu crois, ou soit que tu ne crois pas. Hein? Et c'est comme ça que les hommes se sont divisés en deux groupes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont dit « oui, on croit », et ceux qui ont dit « non, on ne croit pas ». D'accord? Et c'est là où se tranche la ligne qui distingue les croyants et les non-croyants. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si par exemple, moi des fois je parle avec des frères chrétiens qui se disent, ou des gens qui se disent laïcs, hein, qui se disent laïcs, que ce soit des juifs ou des chrétiens, ils leur disent, si Jésus était là aujourd'hui, et que Jésus vous disait que, par exemple, il vous aurait dit que, par exemple, l'adultère, elle est interdite. Est-ce que vous allez changer vos lois laïques et interdire l'adultère? Est-ce que vous allez changer votre loi par rapport aux paroles de Issa, ou bien vous allez dire à Jésus, non, on ne peut pas prendre qu'est-ce que tu dis Issa, parce que tu es un être humain comme nous, et puis nous on a voté ces lois-là, donc on ne va pas accepter ce que tu dis. Il faut que les gens votent avant pour savoir si on va prendre ta parole ou non. Ben, si tu fais ça, il dit, si tu fais ça et que tu prétends être un chrétien, est-ce que tu es vraiment croyant en Jésus? À chaque fois que Jésus te dit de faire quelque chose, tu vas dire aux gens, ben on va voter, puis si tout le monde est d'accord, ben on va faire ce que tu dis. Puis si les gens sont pas d'accord, ben on va faire ce que la majorité a décidé. Est-ce que vous allez être des croyants si vous agissez comme ça? Et ils réfléchissent tous, ils savent que c'est pas possible. Donc nous on est des musulmans, hein, et on suit l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a amené dans la parole d'Allah, le Coran, et dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ça c'est permis, ça c'est obligatoire, ça c'est haram. On va pas regarder les gens, est-ce qu'ils ont voté, est-ce qu'ils ont dit que c'est la majorité qui sont d'accord ou non. On regarde, est-ce qu'il a dit, faites ça, donc on le fait. Il nous a dit, faites pas ça, on le fait pas. Et c'est tout. C'est pas la laïcité qui va déterminer pour nous, ou la démocratie qui va décider pour nous. Et donc ça, c'est la même chose maintenant. Aujourd'hui, ils refusent d'accepter les prophètes. Même si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas là maintenant, mais sa parole, elle est encore là. Et la parole d'Allah, elle est encore là. Donc c'est comme s'il était là en même temps, puisque ses ordres restent. Et donc, il mentionne le cheikh les versets 24 et 25 de Surat al-Mu'minun. Hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma hada illa bashar, ça c'est le peuple de Noé qui Allah il mentionne les paroles du peuple de Noé, ils ont dit ce n'est qu'un être humain comme vous, il veut prendre disons une position de privilège au-dessus de vous, ou bien disons à être favorisé par rapport à vous. Et si Allah aurait voulu, il aurait fait descendre des anges. On n'a jamais entendu ça dans nos ancêtres les plus anciens. Et ce n'est qu'un homme qui est fou, il a été possédé. Hein. Alors attendez, hein, jusqu'à un certain moment. Donc ça c'est les paroles du peuple de Noé qui rejettent la parole de Nuh alayhi salam. Imaginez, Nuh il leur arrive. Il leur dit, arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez de prendre des intermédiaires entre vous et Allah, et obéissez-moi. Et Allah lui ordonne de construire une arche. Et il dit aux gens, venez. Venez, croyez en Allah, parce qu'il y a un déluge qui va tomber, puis vous allez tous être noyés. Et eux, ils voient Noé en train de construire un bateau en plein milieu du désert. Et il est en plein milieu d'un endroit où il n'y a pas d'eau. Il dit, mais lui, il est malade, celui-là, il est fou. Comment ça se fait qu'il veut faire un bateau à cet endroit-là? Et quand ils ont vu l'eau commencer à descendre, et la pluie qui descend, et l'eau qui commence à monter, et bien là, ils ont compris que qu'est-ce que Noé avait dit, c'était la vérité. ils sont tous noyés par la suite, hein, excepté un petit nombre d'entre eux. Donc ça c'est des exemples, ça c'est des exemples de comment Allah subhanahu wa ta'ala il établit la preuve contre les peuples, hein. Et subhanallah, comme quand j'étais tout petit, allez, on écoutait les histoires à l'école, on avait enseignement religieux, ils nous racontaient les histoires de Isa alayhi salam, comme ils l'ont expliqué dans leur livre, les chrétiens. Et puis j'entendais souvent les élèves autour qui disaient: oh, moi si j'étais à l'époque de Isa alayhi salam, moi j'aurais cru en lui. Oh, moi si c'était moi, j'aurais su que c'était lui le vrai, qui était un vrai prophète. Hein? Et juste quand on sortait dans la cour d'école pour la récréation, et ben déjà avec les élèves commençaient à se frapper les uns avec les autres et tout. Après je leur disais: mais comment ça se fait, dans la classe tantôt tu disais si Jésus était là t'allais le croire en lui, maintenant tu fais le contraire de ce qu'il dit, hein? Et on était jeunes à cette époque là mais c'est juste pour dire, Yanni, on était au primaire encore, mais quand même on voit l'attitude des gens. Comment les gens, ils n'arrivent pas à faire le lien entre la vie qu'ils vivent et la révélation d'Allah. Comme si pour eux, on dirait que la révélation du Coran et de la Sunna, c'est en dehors de la réalité de laquelle on vit. C'est comme s'ils ne sont pas capables de faire le lien entre leur vie et qu'est-ce qu'Allah dit dans la révélation. Comme si c'était une autre époque, mais alors que dans les versets qu'on lit là depuis le début de ce livre, on voit qu'il y a plein d'exemples qui sont mentionnés dans le Coran qui existent encore aujourd'hui à notre époque. Et on dirait qu'on n'est pas capable de faire le lien entre les deux parce qu'on a arrêté de méditer, de réfléchir sur l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh dit: وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ فَقُرَيْشْ قَالُوا حَقُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُطَرِدَةٌ. Même les peuples de Quraysh, ils ont dit, ça c'était à l'époque de Noé, ils ont dit ça à Noé. Noé c'est parmi les premiers, parmi les hommes, hein, les premières générations des hommes sur la terre. Hein. Et même à cette époque-là, les hommes disaient ça. Et même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, hein, Noé c'est le premier des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des messagers, et ben, et le peuple de Quraysh, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: أُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. Est-ce que c'est sur lui qu'on a fait descendre le rappel au détriment des autres, hein, c'est lui qu'on a choisi au détriment des autres, hein, parmi nous. Et donc ça c'est une règle générale chez les kuffars, ils font toujours ce genre de faux qiyas, ils n'acceptent pas que la révélation soit faite à certains hommes en dehors des autres. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans un verset dans le Coran, il dit: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مِّئِنْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا. Ça veut dire, chacun d'entre eux, il souhaiterait qu'on lui donne des feuilles étalées devant lui, comme une révélation ou un livre. Chacun voudrait dire qu'il veut être un prophète. Hein. Il y en a qui disent: moi je ne veux pas croire en Dieu, sauf s'il m'envoie un messager, ou un signe, ou une preuve, ou des choses de ce genre. Alors qu'il est rempli de preuves autour de lui toute la journée, du matin jusqu'au soir. Hein? Il demande encore des preuves, ou des signes. Donc le cheikh dit: wa al-naw'u al-thani min al-qiyas, qiyas al-shabah, wa huwa an yataraddad al-far' bayna aslayn, fayulhaq bi aktharihima shabahan. والله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا قياس علة ولا قياس شبه يستوي أفراده وإنما يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى وهو أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشيخ dit la deuxième catégorie de qiyas c'est qiyas al-shabah, c'est-à-dire l'analogie qui est basée sur la ressemblance entre deux choses. Le cheikh dit c'est comme si par exemple il y a une branche qui est entre deux bases, c'est-à-dire cet élément là elle peut être attachée à deux bases, une ou l'autre, mais tu ne sais pas avec laquelle elle se rattache le plus des deux. Donc, tu la rattaches à celle qui ressemble plus, ou qui a le plus de ressemblance entre les deux. Donc, supposons, il y a deux choses qui ont été mentionnées comme étant haram. Une, on va dire, c'est par exemple X, et l'autre c'est Y. Et puis il y a Z qui est une branche. Tu veux la rattacher à X ou à Y, mais tu ne sais pas laquelle des deux, parce que yani, les deux ils sont proches. Donc tu la rattaches à celle qui, le plus qui ressemble le plus. C'est ce qu'on appelle Qiyas al-Shabah. Et il dit qu'en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de faire d'analogie avec Allah le Créateur, puisqu'il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Donc il n'y a pas de qiyas par rapport à Allah. Ni le premier exemple qu'on a mentionné de qiyas, de qiyas de inna, et ni de qiyas shaba. Aucune de ces catégories-là, on peut le faire avec Allah. Parce qu'Allah c'est le Créateur, et nous on est des créatures. Et on ne peut pas comparer Allah, le Créateur, à sa créature. Et il n'y a pas d'égalité entre le Créateur et la créature, en quoi que ce soit. On peut uniquement utiliser une forme de qiyas par rapport à Allah, c'est celui qu'on appelle qiyas al-awla. Qiyas al-awla, oui, ou qiyas al-awla. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qiyas-là, c'est quoi? C'est de dire que toute perfection qui existe dans la créature, qui n'implique pas d'imperfection, alors le Créateur le mérite plus que le mérite plus encore. Donc, par exemple, quel exemple on peut donner à ça? On peut comprendre que, par exemple, si parmi les créatures, il y a des créatures qui parlent et il y en a d'autres qui ne parlent pas. Le fait de parler chez une créature, c'est une perfection par rapport à une créature qui ne peut pas parler, hein, ou un être humain qui ne peut pas parler, celui qui est muet. Celui qui parle, il est supérieur à celui qui ne parle pas, celui qui est muet, ou la créature qui ne peut pas s'exprimer ou qui ne peut pas parler. Donc, si pour la créature, c'est une perfection de pouvoir parler, et ça n'implique pas d'imperfection, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce cas-là, Allah mérite plus encore de parler ou d'avoir l'attribut de la parole que sa créature. Hein? La même chose pour d'autres attributs comme l'ilm et al-basar ou al-sam', etc. Donc ça c'est une analogie, mais ce n'est pas une analogie de comparaison, c'est une analogie qu'on appelle qiyas awla. Et à la base, bien entendu, c'est qu'on affirme rien à Allah, excepté ce qui est affirmé dans la révélation, les textes du Coran et de la Sunna. Mais ça, c'est juste pour confirmer, hein, pour confirmer les attributs qu'Allah a eu, dans le sens qu'il y a des gens de bid'a qui nient ces attributs-là à Allah, et qui disent non, Allah, il ne peut pas parler. Parce que si on dit qu'il parle, ça implique qu'il est imparfait, puisqu'il ressemble à sa créature, les créatures parlent. Donc si tu dis que Allah parle, ça fait une ressemblance entre Allah et sa création, et donc il faut nier la parole. Et nous on dit non, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle comme cela lui convient, d'une manière qui est parfaite, hein, et qui est majestueuse, tandis que la créature, elle parle d'une manière qui lui convient et qui est limitée, hein, qui convient à sa faiblesse et à son état de créature. Donc le Créateur, il parle, hein, et sa parole, elle est parfaite, elle est divine, tandis que la créature, elle parle, sa parole, elle est créée, la même chose. Donc, c'est pas comparable, tu vois. Sauf que, ça, c'est des exemples qu'on retrouve dans les écrits et les paroles des ulama. Donc, pour faire ce genre de qiyas, il se base sur deux versets. Le qiyas awla se base sur le verset 60 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi al-mathalul a'la. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le meilleur exemple. Wa huwa al-aziz al-hakim. C'est lui le tout-puissant et le sage. Et il se base aussi sur un autre verset, qui est le verset 74 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ne donnez pas ne faites pas des analogies ou des exemples avec Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de comparer Allah à quoi que ce soit de sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui sait et vous vous ne savez pas. Donc ça c'est les versets que les ulama mentionnent pour prouver que c'est pas permis de faire des comparaisons entre le créateur et la créature. Le cheikh il dit والمسألة التي بعدها هي وأنكروا القياس الصحيح وهو أن يكون الرسل إلى البشر بشرا مثلهم وأن يكون الرسل إلى الملائكة من الملائكة وهذا هو القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمة والفطرة السليمة أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم وهذا من جنس آخر والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل الجامع والفارق الجامع الذي يبنى عليه القياس والفارق الذي لا يصح معه القياس. Le cheikh dit donc que le point qu'on a mentionné, ça c'était le premier point, c'était le point numéro 11, c'était le fait qu'il se basait sur un faux qiyas, et le point numéro 12, maintenant c'est le fait qu'il rejette le qiyas qui est bon, qui est valable. Donc c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux hommes des messagers hommes, et qu'il envoie aux anges des messagers anges. Et ça c'est le qiyas, l'analogie qui est correcte, et c'est ça ce qui est voulu par la sagesse, la sagesse elle-même, et la fitra, la nature qui est correcte, qui est propre, qui n'a pas été corrompue. Donc, celui qui est envoyé, il doit être de la même espèce que les gens auxquels il est envoyé, il ne doit pas être d'une autre espèce. Donc, celui qui... qu'est-ce qui a fait en sorte que ces gens-là tombent dans ces deux problèmes, parmi les deux questions qu'on a mentionnées, par rapport au qiyas qui est faux et au qiyas qui est correct, c'est le fait qu'ils ignorent en fait qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre deux choses, qui fait que quand on fait une analogie entre les deux, ça va être une analogie qui va être bonne, puis ils ignorent qu'est-ce qui distingue deux choses, qui fait qu'on ne peut pas faire d'analogie entre les deux. Donc ils ignorent qu'est-ce qui fait les facteurs qui influencent l'analogie. Quand est-ce que ça fait que ça va être correct et quand est-ce que ça fait que ça va être incorrect, ce genre d'analogie-là. Donc ça vient terminer ces deux points et je pense donc qu'on va s'arrêter ici pour ce point-là, puis on continuera l'autre, le prochain point, point numéro 13, dans le prochain cours après le Maghreb, Inch'Allah. Donc, le Cheikh il explique ensuite le point numéro 13, Al-Ghulou bi Ahli al-Ilmi wa Salah, c'est-à-dire l'exagération au sujet des hommes de science et des hommes de piété, des hommes qui sont vertueux, qui sont religieux. Il y a des gens qui exagèrent par rapport à ces gens-là. Donc le cheikh il dit الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Le verset 171 dans sourate An-Nisa. Donc le point, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit l'exagération, ça parmi les choses qui font partie de l'exemple de la jahiliya, la religion des gens de la jahiliya, c'est qu'ils exagèrent au sujet des hommes parmi les savants et les hommes pieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 171 dans Surat An-Nisa, ô gens du livre, ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit وهذه مسألة خطيرة والغلو معناه في اللغة الزيادة عن الحد يقال غلى القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان ويقال غلى السعر إذا ارتفع عن الحد المعروف فالغلو هو الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف والغلو في الشرع هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به كالزيادة في حق الأنبياء أو الصالحين ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية. Le cheikh il dit que cette question elle est très dangereuse. En fait, c'est la base même du shirk. C'est par ce point-là que beaucoup de gens sont tombés dans le shirk parmi les nations de l'humanité. Donc le cheikh il dit ça c'est un point très dangereux. Et il explique que al-ghulou en arabe, souvent on parle d'extrémisme, d'exagération dans la religion, c'est le terme ghulou qui est utilisé dans les textes de la religion pour exprimer ce sens-là. D'accord? Donc, al-ghulou dans la langue arabe signifie l'augmentation qui dépasse la limite. Ok? Et on utilise ce terme-là dans la langue arabe quand on parle d'une bouloir. On dit par exemple ghala al-qidr, on va dire une bouilloire, on a mis le couvercle et on l'a mis sur le feu, quand ça commence à bouillir trop, le couvercle il saute, donc ça c'est lorsque à cause de l'ébullition l'eau qui est dedans commence à déborder, ça on appelle ça ghala, l'eau, on dit à propos de l'eau qu'elle a dépassé sa limite. Et on peut dire ça aussi à propos du prix. Quand on parle de quelque chose qui coûte trop cher, on dit « hada ghalim ». Ça vient de rouleau aussi. « Ghala sa'r ». Le prix, il a monté trop, de façon exagérée. Donc, on dit ça quand le prix a dépassé sa limite qui est habituelle. « Fal rouleau huwa ziyada ». Donc, « al rouleau », ça veut dire d'augmenter ou de quelque chose qui s'élève mais au-dessus de sa limite habituelle ou connue. Et dans la religion, un rouleau c'est quoi? C'est d'exagérer ou d'élever quelque chose au-dessus de son niveau qui lui convient. Comme par exemple, quand tu parles au sujet des prophètes et des hommes pieux et que tu les élèves au-dessus de leur statut ou de leur niveau dans lequel Allah les a placés. Vers le niveau de, tu les élèves vers la divinité ou la souveraineté ou bien la divinité que tu les adores, que tu les prends comme seigneur. Ça, c'est de l'exagération au sujet des hommes pieux et des prophètes. Le cheikh dit, فَأَبْنُ الْجَاهِلِيَّةِ غَلَوْا فِي الْأَشْخَاصِ حَتَّى رَفَعُوهُمْ عَنْ قَدْرِهِمْ إِلَىٰ أَنْ جَعَلُوهُمْ أَرْبَابًا مَعَ اللَّهِ كما غلى اليهود في عزير وقالوا هو ابن الله وقالت وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من البشرية والرسالة إلى الألوهية وقالوا هو ابن الله وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم وتماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا جعلوهم آلهة. Le cheikh il dit, c'est ainsi que les gens de la Jahiliya ont exagéré au sujet de certaines personnes, au point de les élever au-dessus de leur niveau, au-dessus de leur degré. Le degré dans lequel Allah les avait placés. Donc ils ont fait de ces individus-là ou de ces personnes-là des égaux et des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les juifs qui ont exagéré au sujet de Uzair pour dire que c'est le fils d'Allah. Et comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa alayhi salam pour dire qu'il est le fils d'Allah. Ils l'ont élevé du niveau d'être humain et de prophète et ils en ont fait une divinité qu'ils adorent et ils ont dit que c'est le fils de Dieu. Donc ça c'est des exemples de rouleaux, d'extrémisme dans la religion. les gens aujourd'hui ils ont tendance à considérer que l'extrémisme c'est juste, ça se limite juste aux actes de violence qui sont faits au nom de la religion. Ça c'est une forme d'extrémisme, mais c'est pas la seule. Les extrémismes les plus dangereux sont les extrémistes dans la croyance, hein. Et ça c'est des exemples d'extrémistes chez les juifs et les chrétiens qui sont beaucoup plus graves que des extrémistes qui sont à l'origine des actes de violence aujourd'hui. Déjà même les actes de violence sont souvent basés à cause des extrémistes dans la croyance de certains parmi ces gens-là qui dépassent la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les règles de la charia. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit, de même que le peuple de Noé, ils ont exagéré au sujet des hommes pieux à leur époque, et ils ont fait leurs images et leurs statues, et ils les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont élevés au niveau de divinité pour les adorer. Ils leur ont attribué la al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. Et Allah il mentionne dans le verset 23 dans Sourate Nour, hein, lorsque Noé a commencé à appeler son peuple au tawhid, eux ils ont dit n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wad et Suwar et Yarouf et Ya'ouk et Nasr, qui étaient les cinq idoles qu'ils adoraient, qui étaient à l'origine des hommes pieux. Hein. Donc ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ طَوَائِفِ الْمُشْرِكِينَ الْيَوْمِ يَغْلُونَ فِي الصَّالِحِينَ وَيَطُوفُونَ بِقُبُورِهِمْ وَيَذْبَحُونَ لَهُمْ وَيَنْظُرُونَ لَهُمْ وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْمَوْتَى وَيَسْتَنْجِدُونَ بِهِمْ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمْ قَضَاءَ الْحَوَائِجِ فَالْغُلُو يَجُرُّ أَصْحَابَهُ إِلَى الشِّرْكِ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الإطراء هو الغلو في المدح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Donc le cheikh il dit c'est ainsi que beaucoup de groupes parmi les mushrikins jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre époque, ils exagèrent au sujet des hommes pieux. Et ils font le tawaf autour de leur tombe, ils tournent autour, hein, et ils sacrifient des animaux pour eux, pour ces hommes pieux-là qui sont enterrés là. Et ils font des vœux pieux pour eux, hein, ils leur font des serments et des vœux. Et ils les appellent à l'aide lorsqu'ils ont des moments de détresse ou des moments de difficulté. Au lieu d'invoquer Allah et demander l'aide d'Allah, ils invoquent les noms des hommes qui sont dans les tombes. Et ils les appellent pour les venir à leur secours. Donc, ils leur demandent de venir régler leurs problèmes ou leurs besoins. Hein, quand ils ont besoin d'argent ou quand ils sont malades ou d'autres choses, ils vont vers les tombes au lieu d'aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit que ça c'est l'exagération qui fait ça, c'est le rouleau, l'extrémisme au sujet des hommes pieux qui a amené beaucoup de ces gens-là à tomber dans le shirk. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit « N'exagérez pas dans ma glorification comme les juifs, comme les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie. » Al-Itra en arabe, le verbe ou le mot al-Itra, ça signifie l'exagération dans la glorification. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tatrouni hein ». Ça veut dire, n'exagérez pas quand vous parlez de moi en me glorifiant trop. Exagérez dans la glorification. Parce que, il dit, je ne suis qu'un esclave, qu'un serviteur. Alors dites, serviteur d'Allah et messager, et son messager. Donc ça, c'est pour fermer la porte à toutes ces formes d'exagération que les gens commettent au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit « وَالْغُلُوُ فِي الْأَشْخَاصِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْكِتَابِيِّينَ وَالْأُمِّيِّينَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْوَاجِبُ أَنْ يُعْرَفْ لِلْأَشْخَاصِ قَدْرَهُمْ اللائق بِهِمْ فَيُعْرَفُ لِلرُّسُلِ رِسَالَاتِهِمْ وَيُعْرَفُ لِلصَّالِحِينَ صَلَاحِهِمْ ويعرف للعلماء علمهم أنهم أفضل من غيرهم ففضل العالم على العام كفضل القمر على سائر الكواكب وينزلون منازله ولا يرفعون فوق منازله قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله أو فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين للشيخ الزي que l'exagération au sujet des individus, c'est ça ce qui a fait tomber beaucoup de gens dans le shirk majeur. Que ce soit le shirk des gens du livre ou le shirk des gens qui n'ont pas reçu de prophète, comme les mouchriquines de Quraysh par exemple. Hein? C'est ça qui a fait tomber beaucoup de gens dans le shirk majeur. Et le shirk, il dit que qu'est-ce qui est obligatoire c'est pour nous c'est de savoir ou de reconnaître à chaque individu le niveau qui lui revient hein, et le respect qui lui revient donc les messagers tu reconnais le message qu'ils ont amené et tu leur reconnais ce message et tu reconnais leur mérite et le fait qu'ils sont meilleurs du fait qu'ils ont reçu ce message tu reconnais que les hommes pieux ont ce mérite d'être pieux. Tu reconnais que les ulama ont le mérite de la science qu'ils possèdent et qu'ils sont meilleurs que les autres. Et que le mérite et l'excellence du savant par rapport à l'adorateur, il est comparable au mérite de la lune par rapport aux autres étoiles, à toutes les étoiles. Donc, c'est-à-dire que les savants sont meilleurs. Hein. Donc, le chef il dit, tu donnes à chacun le niveau et la place dans lequel Allah les a placés. Et tu les élèves pas plus haut que ça. Ok? Tu les rabaisses pas, mais en même temps, tu les élèves pas plus haut que ça. Et il mentionne le verset 171 dans Surah An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites pas à propos d'Allah autre chose que la vérité. » Le Messie, Isa, fils de Marie, est le messager d'Allah. Il est uniquement le messager d'Allah. Et une parole venant de lui, hein, qu'il a mis en Maryam. Et une âme venant de lui. Hein. Et donc, croyez en lui et en ses messagers. Croyez en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, comme les chrétiens qui croient en la Trinité. Ne dites pas trois, trois en un ou des trucs de ce genre. Ça c'est 171 dans Surah An-Nisa. Et la parole, hein, quand il dit que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, il est le messager d'Allah et une parole de sa part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de Isa, soit et il fut. Donc c'est sa parole, c'est ça la parole. La parole c'est kun, le fait que Allah lui a dit, soit et il fut. C'est le verbe impératif d'être. Et il l'a créé en Maryam, et il lui a essoufflé l'âme en Maryam. Ça veut dire qu'il est né de façon miraculeuse, il n'avait pas de père. Mais ça ne veut pas dire qu'il est divin à cause de ça, ou qu'il est le fils de Dieu, comme les chrétiens le prétendent. Puisque yani, Adam, alayhi salam, il n'avait pas de père, lui non plus, et on ne l'appelle pas, on prétend pas pour ça qu'il est divin. De ça ou qu'il est fils de Dieu à cause de ça. D'accord, donc ça c'est important de comprendre. Et ensuite, le chef il mentionne un autre verset qui est le verset 77 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous les gens du livre, dis au Muhammad aux gens du livre, oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, hein. Ne dites pas autre que la vérité. Et ne suivez pas les passions des peuples qui se sont égarés avant vous et qui ont égaré beaucoup de gens et qui se sont égarés du droit chemin ou de la droite, de la droiture du chemin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Nasa'i et Ibn Majah et Ahmad dans la Musnad, un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il dit: prenez garde à l'exagération ou à l'extrémisme dans la religion, car ce qui a fait, il n'y a rien d'autre qui a fait périr les peuples avant vous, excepté l'exagération dans la religion. Donc l'exagération dans la religion, c'est quelque chose qui fait périr, qui amène à la perdition, et al-halak, donc c'est quelque chose qui est toujours dénoncé dans l'islam. Ensuite, le cheikh dit: « Fala yadouzul ghulou fil makhlouqin » ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل وكذلك الغلو في العلماء والعباد. قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله غلوا في علمائهم وعبادهم حتى اعتقدوا لهم الصلاحية في تحليل الحرام وتحريم الحلال. Le cheikh dit: il n'est pas permis d'exagérer dans la religion au sujet des créatures et de les élever au-dessus de leur degré dans lequel Allah les a placés, parce que ça, ça amène les gens à tomber dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. De même que l'exagération au sujet des hommes pieux et des adorateurs, ça c'est pas permis, parce que ça amène les gens à tomber dans le shirk aussi, comme les juifs et les chrétiens. Allah dit dans le verset 31 dans surat Tawbah: ils ont pris leur rabbin et leur moine comme des égaux ou comme des seigneurs avec, en dehors d'Allah, parce qu'ils ont exagéré au sujet de leurs savants et de leurs adorateurs au point de croire qu'ils avaient le droit de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal et de changer les législations divines. Comme par exemple les chrétiens aujourd'hui, ils ont rendu le porc halal, alors que dans le livre c'est haram, hein. Ils ont interdit aux prêtres de se marier, alors que dans la Bible c'est permis le mariage, hein. Ils ont, quoi d'autre encore? Il y a plein d'autres exemples comme ça que les chrétiens, ils ont changé de la religion d'Allah. La circoncision qui était ordonnée par Ibrahim et par les autres prophètes, les chrétiens, ils l'ont annulée. Ils le font pas. Donc ça, c'est un exemple de changement qu'ils ont fait dans la religion d'Allah. L'idolâtrie qui était interdite par tous les prophètes, les images, les idoles, l'adoration des croix et des statues et des images, les chrétiens l'ont permis. Là, tu rentres dans n'importe quelle église catholique, tu trouves des images et des statues, comme si c'était correct. Donc, plein de choses que les prêtres ont rendu halal et que Dieu avait interdit auparavant. La polygamie, dans la Bible, il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit un homme n'a pas le droit de marier plus qu'une femme. On retrouve même le contraire. On retrouve des versets où il y a la mention du fait que un homme peut avoir plus qu'une femme. Hein. C'est marqué même dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui disent: si un homme a deux femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le droit d'avoir deux femmes. Et on a l'exemple de plein de prophètes dans la Bible qui avaient plusieurs femmes. Jacob, on dit qu'il avait quatre femmes. Moïse avait deux femmes, Abraham il avait deux femmes, hein. Daoud et Suleyman, pas besoin de le mentionner, ils avaient plus que 100 femmes chacun. Donc, comment on voit ça dans leurs livres? Il n'y a rien qui l'interdit, et eux ils viennent, ils commencent à nous dire que nous les musulmans on a le droit d'avoir plusieurs femmes, c'est pas correct. Il n'y a rien qui l'interdit dans leurs livres. Non seulement ça aussi, mais quand ils nous critiquent par rapport à la lapidation, hein, par exemple, eh ben dans leurs livres il y a la lapidation. C'est marqué encore aujourd'hui pour ceux qui commettent l'adultère. Donc il y a plein de choses comme ça aussi. Ils critiquent par exemple les musulmans sur le fait qu'il y a le djihad dans l'islam, le combat et la lutte pour la vérité, pour la religion et pour la parole d'Allah. Eh bien dans la Bible il y a ça aussi. Hein. Il y a des exemples de guerres que Moïse il a fait contre des peuples mouchriquins. Et c'est rempli d'exemples de ça. Donc comment ils vont expliquer ou rejeter ça alors que dans leur livre il y a ça? Donc tout ça c'est des exemples de choses qui sont claires, qui eux ils l'ont changé de la religion d'Allah. ils ont rendu halal qui est haram, ils ont rendu haram qui est halal. Ils ont joué avec leur religion. Et ça, c'est à cause de l'exagération qu'ils ont dans leur religion, comme le cheikh il nous l'explique. Ils sont arrivés jusqu'à changer la religion de Dieu. Maintenant, on ne peut même plus savoir maintenant qu'est-ce qui est vrai ou faux dans, dans ces religions-là, parce que ces gens-là, ils ont complètement déformé la religion d'Allah. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, pour l'instant, puis après la prière de Maghrib, inshallah, on continuera. On va faire une autre partie, inshallah, du livre. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واياكم